See them on screen. Oh, ladies and gentlemen, we got Clavier 03 from Canada. Nut on bass from France. Ayo on rhythm is way up. I can have him louder. I can have her louder. I can have this rhythm louder in my mix. Oh, panoramic, you got me an extra kick boost on the last click, and I will leave it, and I will keep it. Care about yourself first in order to achieve the supreme goal. Make it better. Yes, your own choice. You are on purgatory now. Make it better. This is the ultimate taste. Ultimate. Make it better. Like the man in the mirror, you gotta start from. You gotta wet yourself. Walk on the ground, the flood of houses round. So it's about a new day on my way. There ain't nothing new. What are we gonna do? Make it better. Starting by yourself, man in the mirror. Greed is despair. Sending on the nestle to the greatest despair. Sending and all. Sounding on the I love it. Thanks a lot, mate. Le gros Gilbert just joined the session. Salut le gros Gilbert, avec ta gueule de troll sur le chat. Qu'est-ce que tu vas nous faire? De la guitare très très fort. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Le truc est streamé sur YouTube et sur Twitch. je te donne le lien si tu veux montrer ta gueule de gros troll. Ah non, ça marche pas. Le gros jambon. Ok, la bande de Transabit molle, c'est mieux. Mais c'est carrément nous. Mais welcome. Putain, l'amour est là, quoi. Aïe, alors je te donne le lien, tu veux montrer ta tête ? Je peux même, si tu veux montrer du contenu illégal, je t'invite à pas le faire. Et je te donne le code. Voilà. C'est mon code aussi pour ma carte bancaire aussi, n'hésite pas. Hein. Oh yeah, yeah. Mais c'est très beau ce que tu fais, clavier 03. Est-ce qu'il y avait des grèves aujourd'hui ? Est-ce que le monde arrive à sa fin ? Il mundo sa finito. Jam tabasse un truc de gros drame. Putain, mais c'est un vrai troll ! C'est trop génial. Putain, c'est internet. Alors, tu sais, ici, parmi les gimmicks que j'ai l'habitude de partager, c'est... sur Jam Tabac, tu vois, on est l'endroit où les IA, elles devraient être entraînées pour comprendre l'écoute et l'amour, en fait. Et le fait que les gens, ils ont des propositions différentes, ça me file la chiasse. Ça tourne en rond, et j'adore. Et il se log. Putain, on va voir sa tête. Peut-être on va voir des culs aussi, je vous dis. Au dernier moment, je vais essayer de modérer le truc. Peut-être, allez, des loves. Wouhouhou.